Et de toute façon, le propos d'Alain Gilchaud, ça sera tout à fait passionnant et fixe finalement l'horizon aussi dans l'espace régional, puisqu'il va s'intéresser au fond à la trajectoire gustative et appréciative du sarrasin, produit emblématique s'il en est, du grand espace armoricain et normand. Je vous cède la parole pour 30 minutes. Bonjour. Ah, oui, ce sera pour tout. Voilà. Donc, évolution de la perception du sarrasin du XVIe au XXIe siècle. Voilà un petit peu ce que je vous présente aujourd'hui. Alors, devenu symbole d'une identité culinaire bretonne, le sarrasin fut par le passé plus largement partagé par d'autres régions, et notamment la Basse-Normandie. Comment est-on passé d'une plante de l'Ouest, également du Limousin, un aliment identifié comme breton? La perception que nous avons aujourd'hui du blé noir est-elle la même que celle de nos ancêtres? Percevoir un objet, c'est recevoir à travers ses sens des informations permettant de le définir. Or, chaque individu a une perception influencée par un vécu et donc par des facteurs sociologiques, économiques et culturels au sens large. Plus globalement, la construction d'un goût individuel est inconsciemment influencée par la condition ou la classe à laquelle un individu appartient. Ainsi, la perception du sarrasin n'est pas la même chez les élites et chez les petites gens. Par ailleurs, elle évolue avec le temps de manière globale et à l'intérieur de chaque groupe social. Je propose donc de voir cette évolution à travers ces différents domaines, et en commençant par les domaines économiques, social et agricoles. Alors, en commençant par le XVIe siècle. Le XVIe siècle, c'est une plante nouvelle. Le XVIe siècle est principalement celui de la découverte du sarrasin. Des descriptions qui nous sont parvenues sont essentiellement celles de médecins qui s'intéressaient à la botanique. Or, ils n'ont pas toujours vu ces plantes, et c'est notamment le cas pour le sarrasin et le maïs qui sont très souvent confondus. Alors, non, on ne veut pas faire suivant. Voilà. Il ne voulait pas que le clavier. Alors, dans les commentaires très excellents de l'histoire des plantes de 1549, on trouve à la fois la mention Turcicum frumentum, blé de sarrasin et blé de Turquie à la même page. Ce qui prouve que pour l'auteur, il s'agit soit de la même plante ou alors de variantes. Et là, quand on lit la description, c'est un petit peu compliqué parce qu'on trouve à la fois des parties qui correspondent plutôt au maïs et d'autres au sarrasin. Et pour blé de sarrasin, on voit bien ici que ce qui est montré par l'illustration qui vient après, parce que là c'est la version française, il y avait la version latine en premier, c'est bien du maïs avec écrit blé de Turquie à côté. Le même problème de traduction et d'interprétation est soulevé par Jean-Jacques Hermendinger dans un article concernant deux textes du XVIe siècle, l'un de Bruyérin et l'autre de Ruel. Également pour les grandes heures d'Anne de Bretagne, ici on retrouve blé de Turquie, mais qui montre du sarrasin. En ce qui concerne l'histoire des plantes de Dodoens de 1554, la définition à la page 122 sous la dénomination de blé noir correspond à du mélampire et pas au blé noir qu'on connaît aujourd'hui. Pour trouver la définition de sarrasin, la solution est à la page 319 sous le nom de dragée aux chevaux. Le dessin et la description correspondent bien ici au sarrasin. Enfin, si vous allez à blé de Turquie, qui correspond au maïs, on a comme synonyme dans la description blé de sarrasin. Un autre exemple, dans le journal de Gilles de Gouberville, donc dans la Manche, toujours 16e, là la connaissance du sarrasin, la connaissance technique est meilleure, mais on est encore dans le tâtonnement et Gilles de Gouberville ne met pas systématiquement le sarrasin en tête d'assolement, comme ça sera le cas pour les siècles suivants. On est bien là encore dans des essais, dans des expérimentations. Alors, également Noël, alors je ne sais pas si on dit Dufail. F-I-L, d'accord. Nous apprend que en Bretagne, le sarrasin est connu depuis quelques décennies. Autant dire que la connaissance du sarrasin était au XVIe siècle loin d'être évidente. Il s'agit d'une plante encore nouvelle qui n'intéresse pas encore les seigneurs et les décimateurs, ce qui va poser d'autres problèmes, je ne vais pas évoquer ici, mais après pour les banalités et les dîmes. On identifie comme une plante lointaine, aux origines inconnues, Turquie, Afrique, Inde, Asie, une plante venant de l'étranger. On comprend mieux alors la confusion encore présente aujourd'hui sur la provenance et la nature du sarrasin ou du blé noir. Blé noir renvoie à blé, or, le sarrasin n'est pas une céréale, et bien souvent le terme de sarrasin, et on le retrouve encore dans des écrits aujourd'hui, on nous dit que le sarrasin vient des croisades, a été apporté par les croisades. Bon. Voilà un petit peu l'influence qu'a pu avoir la découverte au XVIe siècle du sarrasin jusqu'aujourd'hui au niveau du nom. Passons au XVIIe et XVIIIe siècle. Alors, XVIIe et XVIIIe siècle, le sarrasin s'installe durablement dans le paysage des populations de l'Ouest. Fini la découverte et l'expérimentation. Deux grands types de sources s'offrent à nous. Le premier permet simplement d'avoir des traces, type inventaire après décès, des choses comme ça. Le second, ce sont des textes qui parlent directement du sarrasin, qui le décrivent. C'est notamment le cas des écrits des subdélégués et intendants. Alors, la plupart du temps, dans ces sources, le sarrasin est un argument pour mettre en avant la grande pauvreté des régions où il pousse. Quand il s'agit de demander des aides au pouvoir central, on n'hésite pas à insister sur l'absence de froment, le saint froment, et sur le fait que les paysans se nourrissent que de sarrasin. Ainsi, l'appareil d'État, du subdélégué jusqu'au roi, a une vision péjorative de cette plante, dite de subsistance. On nous parle de plantes des pauvres, de plantes des terres froides, de régions où le froment ne pousse pas, ou de régions où on ne mange que du sarrasin, toujours le que du sarrasin. Si ça ne suffit pas, on va insister sur le prix, sur les marchés, qui est bien souvent, qui est bien souvent 2 à 2,5 fois moins cher que le froment, sans rentrer dans les périodes de crise. Alors, néanmoins, c'est un fait, quand une crise éclate dans l'Ouest, c'est du sarrasin qu'on demande. Quelques exemples, il y en a beaucoup, j'ai choisi des exemples que j'ai trouvés dans les archives de l'Orne. Parce qu'à chaque fois, c'est la même chose. L'Orne est un problème de subsistance et fait venir du sarrasin de la Manche. Alors, dans l'Orne, en premier exemple, en 1739, 26 curés de l'élection de Domfront sont chargés de recenser des besoins en sarrasin des paysans touchés par une crise météorologique. Une fois ce recensement établi, on fait une réquisition de chevaux et on va à Granville chercher le sarrasin dont on a besoin pour nourrir les gens du Domfronté. Habituellement, ils mangent aussi du sarrasin. C'est une région, le Domfronté, dans l'Orne, où on mange du sarrasin. Quelques années plus tard, une cinquantaine, un peu plus, cette fois, on est sous la Première République, et même pendant la Terreur, l'Orne, après les grands recensements et tous les problèmes qu'il y a sur les subsistances à cette époque, l'Orne demande de l'aide à la Commission du commerce et approvisionnement. Et pour subvenir à leurs besoins, cette commission, après tout un cheminement d'enquête, va réquisitionner du sarrasin, encore une fois, dans la Manche pour nourrir l'Orne. Alors, plusieurs réquisitions, Mortain, Carentan, Valognes, Coutances et même Dole, entre avril et juillet 1794. 1812, la crise aussi bien connue de 1812, partout en France, ou presque, crise frimentaire et financière, on établit là pour l'Empire, on change encore de gouvernement, mais on va garder la même chose, on va faire ce qu'on appelle la soupe économique, la soupe dite de Rumford, où on va mettre en place dans les villes des grands fourneaux pour faire cette soupe. Malheureusement, dans la Manche et dans l'Orne, on n'a pas toujours les aliments pour faire cette soupe. Or, on a le droit à d'autres aliments de substitution, et ce qu'on trouve dans les tableaux pour cette crise, à chaque fois, distribution de pain de sarrasin ou pain d'orge et de sarrasin. Enfin, on change encore de régime, 1918, bien plus proche de nous. Donc, là, on n'est même plus dans une crise, une guerre. Et voici, simplement pour illustrer, un télégramme du ministre du ravitaillement au préfet de l'Orne. « Je suis d'avis que les municipalités s'organisent pour distribuer des tickets municipaux donnant droit à chaque famille de travailleurs par tête et par semaine, 250 g de farine, de sarrasin, ce qui permettra une fois au moins par semaine la confection de galettes. » Alors, si le sarrasin devient un véritable symbole de subsistance, il en est aussi une solution de premier ordre. du moins pour l'Ouest, encore une fois. La vision péjorative des auteurs de ces sources est-elle la même que celle des consommateurs ? Les sources qui décrivent les situations de crise sont écrites par ceux qui n'ont pas à souffrir de faim ni de la pauvreté, ceux qui ne mangent pas le sarrasin. Les élites ont une vision dévalorisante de cette langue, car elle renvoie à l'état de pauvreté. La noblesse ne veut surtout pas adopter les habitudes culturelles des classes inférieures. L'alimentation et surtout la gastronomie restent pour cette noblesse un moyen de se distinguer des classes les plus populaires, des classes populaires, pardon. En ce sens, on peut dire que la condition influence la perception. Un exemple, en 1709, Madame de Harcourt écrit à Madame de Montenon « Je m'en vais faire des épreuves que l'on m'a enseignées de Basse-Normandie, de bouillie de sarrasin. » Et un peu plus loin, elle dit « Nous aurons bien besoin de tous ces petits secours pour soulager les misérables. » Rappelons aussi que Joseph Le Taconou, dans « Les subsistances et commerces des grains en Bretagne au XVIIIe siècle », nous explique tout au long de son ouvrage que si la Bretagne exporte autant de froment, ce n'est pas parce qu'il y a des meilleures terres, une meilleure agriculture ou un meilleur climat. Non, c'est simplement parce que les Bretons mangent le sarrasin et gardent le froment pour l'exporter. Alors, le sarrasin est certes une plante de subsistance, mais c'est aussi une plante populaire. Au fil des siècles, le peuple l'a adoptée et se l'est appropriée. C'est certainement cette habitude pluriséculaire qui fait qu'on mangeait encore des galettes et la bouillie de sarrasin dans les foyers les plus modestes de la Manche et de la Bretagne il y a quelques décennies, alors qu'on ne cultivait quasiment plus de sarrasin en France. Dans les années encore 60 à 90, le sarrasin venait du Canada, Chine ou URSS, il me semble. Alors, ensuite, il faut que je me dépêche, le 19e siècle, une plante parmi d'autres. Le 19e siècle apporte un regard nouveau sur le sarrasin. En fait, c'est surtout la fin du XVIIIe siècle, puis le XIXe siècle. L'influence des physiocrates, donc plutôt XVIIIe, dans un premier temps, puis des agronomes, ainsi que la création des sociétés d'agriculture, mais également les comices agricoles et l'émergence d'une littérature agricole, va adopter un regard nouveau sur l'agriculture, un regard plus rationnel, s'efforçant à comprendre l'ensemble des tenants et des aboutissants d'une nouvelle forme d'agriculture. Cette période qui s'étale de la seconde moitié du XVIIIe jusqu'à la première du XIXe, c'est ce qu'on va appeler pour certains la révolution agricole, avec des guillemets sans rentrer dans le grand débat entre Emmanuel Le Roy-Durie et Morineau. Je laisse ça pour d'autres colloques sur l'agriculture. Alors cette nouvelle appréhension de l'agriculture va aussi concerner le sarrasin, et je vais prolonger jusqu'à la fin du XIXe siècle. Alors, le dépouillement des revues d'agronomie ou d'agriculture, fin 18e et surtout 19e pour ce qui me concerne ici, type les Annales de l'agriculture française, le Cultivateur ou le Journal de l'agriculture pratique et de jardinage, permet de saisir la parole de ceux qui cultivent le sarrasin à travers des articles, mais aussi et surtout le courrier des lecteurs. C'est ça qui est intéressant. Par exemple, le numéro 7 du Journal d'agriculture pratique et de jardinage, en 1853, une petite chronique agricole dit ceci. Le sarrasin, comme récolte principale, est une triste culture qu'il faut abandonner aux contrées les plus pauvres, les plus arriérées du pays. Il n'en est pas de même du sarrasin comme seconde récolte ou récolte dérobée. Ainsi, cet extrait illustre très bien le passage entre le discours traditionnel d'Ancien Régime, estimant que le sarrasin n'est bon qu'aux terres les plus mauvaises, et celui des praticiens éclairés, recherchant les possibles bienfaits du sarrasin sur un système culturel plus global. Ainsi, de nombreux témoignages et débats sur l'apport du sarrasin dans telle ou telle situation, en agriculture toujours, sont présents dans ces revues. Quelques thèmes d'échange, quelques thèmes de débat, très rapidement, sa place dans les différents types d'assolement. C'est un débat qui rentre aussi en compte avec toutes les plantes sarclées et les légumineuses, les nouvelles plantes qui vont permettre de faire des prairies artificielles. On conseille également, par exemple, de faire pousser des navets ou des rafes sous le sarrasin, c'est meilleur. On l'expérimente comme engrais vert, si jamais la récolte n'est pas bonne, on peut directement l'enfouir et on ne perd pas ni de temps ni l'apport que peut avoir la plante en termes d'engrais. Je vais essayer d'aller un peu plus vite, parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire. On parle aussi beaucoup des nouvelles variétés, ça c'est très intéressant, notamment le sarrasin de Tartarie, qui va permettre, le cycle est plus court, il va permettre de faire plus facilement deux cultures de sarrasin l'une après l'autre, puisqu'on va, le planter plus tôt, le récolter plus tôt, on va remettre derrière, et on pourra le garder encore une fois jusqu'à septembre-octobre. Aussi, on trouve de nombreux débats sur faut-il ou pas donner le sarrasin à manger aux animaux et sous quelle forme. Certains animaux vont développer des maladies. Alors, est-ce que c'est à cause des fleurs? Est-ce que c'est à cause de... ainsi de suite. Donc, tous ces débats. Une petite anecdote intéressante. En 1879, un lecteur propose, parce qu'il y a tout un débat sur le sarrasin résiste aux vers blancs et à d'autres insectes, et donc un lecteur qui s'est rendu compte de ça propose de l'utiliser contre le phylloxéra dans les vignes du Bordelais. Il se dit que peut-être ça peut aider à tuer ces insectes. Alors on trouve ainsi toute une série d'avantages à la culture du sarrasin. Il n'est pas certain que ces connaissances soient toutes nouvelles. Néanmoins, elles deviennent connues d'un plus grand nombre et s'exportent vers des régions qui, traditionnellement, ne cultivent pas la polygonacée. Ça reste une vision de spécialiste et sur un domaine de l'agriculture. Pour saisir le sarrasin dans les chaumières, c'est vers une autre forme de littérature qu'il faut se tourner. Et surtout, c'est sous une autre forme qu'il nous faut l'étudier, celui de l'aliment. Alors, dans un domaine culinaire, qui est peut-être celui qui vous intéresse le plus, commençons par le pain de sarrasin. Le pain de sarrasin, dans la plupart des cas, du 16e jusqu'au 19e siècle, sa description est péjorative. On nous parle d'un pain compact, d'une masse noirâtre et pesante. On le qualifie de gluant, humide et aigueux. On dit qu'il est très difficile à digérer. On parle d'opilation, c'est une obstruction des intestins, il me semble. On dit qu'il nourrit fort peu et n'est guère convenable à la personne. On dit également sans saveur. Dans l'encyclopédie ou dictionnaire universel raisonné des connaissances humaines, en 1770, on trouve cette phrase comme exemple pour la définition d'amertume. Le blé métaille mêlé avec le sarrasin diminue considérablement l'amertume du pain de sarrasin. C'est assez édifiant sur le goût qu'on lui donne, la perception de son goût. Alors, néanmoins, certains écrits ont un regard différent sur ce pain de sarrasin. Comme pour les revues d'agriculture, dont je viens de parler, le 19e voit l'émergence d'ouvrages techniques de la meunerie et de la boulangerie. Le regard se veut plus rationnel et analytique, là encore. Le but étant de partager des connaissances empiriques avec des gens du métier pour améliorer tout un savoir-faire. Dans ces textes, trois points importants reviennent à chaque fois pour améliorer le goût du pain de sarrasin. Premièrement, on propose de le mélanger avec des blés panifiables. Bon, rien de très nouveau, puisqu'Olivier de Serres déjà nous proposait ça. Il disait son principal service est d'être mêlé avec d'autres blés du ménage pour le pain commun. Donc là, on est vers 1545. Donc, on ne fait que reprendre quelque chose déjà existant. Par contre, ce qui est intéressant, c'est quand on parle de panification. On nous dit que pour faire un bon pain de sarrasin, il faut mettre beaucoup de levain, plutôt un levain jeune. Or, le sarrasin n'est pas une céréale panifiable. Simplement, quand on fait un petit peu de pain, on sait bien que le levain, c'est du froment avec un peu d'eau qui va ensuite fermenter. Donc si vous mettez beaucoup de levain et plutôt jeune, la fermentation n'est pas encore totalement réalisée, elle va s'opérer sur le froment lui-même. Donc, la masse qui sera farine sarrasin et froment, va quand même augmenter de volume. Ça va être un pain moins compact, plus aéré et moins humide, mais c'est pas le sarrasin, c'est simplement avec ce levain, on met du froment et ça revient en fait à la première solution qui est de le mélanger avec des céréales panifiables. Dernière chose, venant d'Histoire des techniques, j'avais abordé ce problème-là sur la meunerie, et j'ai trouvé effectivement beaucoup d'exemples qui m'en parlent, c'est le problème de l'écorce. A-t-on la même perception du goût, mais il y a l'écorce qui est très amère. Et je me suis demandé si, effectivement, est-ce qu'on retirait l'écorce à telle époque ou est-ce qu'on la gardait, ainsi de suite. Est-ce qu'il y avait une différence techniques qui pouvaient influencer le goût. Alors, les auteurs, toujours fin 18e, début 19e, et 19e après, nous disent effectivement qu'il faut purger la farine de son écorce. Et que si c'est amer, c'est à cause d'une mauvaise préparation en termes de mouture. Dans le numéro de 1824, Archives des découvertes et des inventions nouvelles faites dans les sciences, arts et manufactures en France comme dans les pays étrangers, on nous fait la description d'un moulin propre à nettoyer le sarrasin. Donc ce qui montre bien, c'est un prix qu'a obtenu M. Lescure pour un nouveau moulin à nettoyer le sarrasin, à le décortiquer. Donc c'est quelque chose de nouveau. Parmentier, en 1802, nous dit aussi, sur son article pain de sarrasin, dans son traité pratique de culture des grains, le grain donne peu de farine à cause de l'écorce que les meules écrasent en même temps et qu'elles y répandent. Je passe un petit peu les autres exemples. Donc ici, le principe est le même que pour les revues agronomiques. Ce sont des élites praticiennes qui vont elles-mêmes diffuser la connaissance auprès d'artisans, qui vont ensuite faire un meilleur pain, et ça va arriver jusqu'au peuple. Alors, type de consommation de pain. On trouve dans les villes du Bocage, type Domfront, Tingebré, Mortain, Flers ou Condé, de la vente de pain, ce qui n'est pas très étonnant vu la région. Simplement, ce qui est plus étonnant, c'est de trouver une mention de vente de pain dans les rues de Caen. Ici, c'est un Britannique, James August St. John, qui voyage en Normandie et parle effectivement de vente de pain dans Caen. Alors, quel type de pain? On trouve des petits pains de sarrasin qu'on appelle des faminaux, qui en fait veulent dire petits pains de famine. On nous dit, les auteurs du 19e siècle, alors avec une vision toujours un peu angélique, ce sont les folkloristes, ce sont des gens qui ont une vision de, effectivement, des traditions populaires au 19e siècle, donc on prend des pincettes quand même sur ce type de source, mais apparemment l'ensemble des habitants, pauvres comme riches sans exception, mangeraient ces petits pains de sarrasin, et Jules Coeur parle, quand il était enfant, donc il écrit ça en 1883, donc on est en 19e siècle, que des faminaux pour un sou étaient vendus un petit peu partout. A l'inverse, on trouve également de très gros pains, de 10 à 12 livres dans certaines sources. En ce qui me concerne, dans les sources archivistiques pour la crise de 1793, on a des donations de pain de sarrasin aux armées de Mayenne qui vont combattre les Chouans. Et là, je trouve des pains qui font jusqu'à 20 livres. Alors, le pain de sarrasin se conserve très mal, comme sa farine, et très vite, il sèche, les parties vont moisir, et le fait d'avoir un gros pain va faire une croûte qui durcit, qui permet de garder ce qui est bon au milieu. Et donc, il suffit d'enlever les morceaux et pour manger. La bouillie de sarrasin, et je vois le temps qui défile, je vais passer, mais on mange de la bouillie de sarrasin en grande quantité. Elle a meilleure réputation que le pain. Deux formes de bouillie de... Enfin, deux, est-ce qu'on l'a fait, la question c'est de savoir est-ce qu'on l'a fait à l'eau et au lait. À l'eau ou au lait, pardon. On trouve les deux. Simplement, au 19e siècle, en Normandie, on trouve beaucoup de mentions de lait, de gros lait. Là, apparemment, le gros lait dans... Pour cette époque, c'est ce qui reste une fois qu'on a enlevé la crème, enfin, dans la décantation, ce qui reste pour faire la crème. Donc, on réutilise. On a des exemples aussi de laitières qui donnent pour la fête des Saints Innocents ou la Toussaint du lait pour faire la bouillie. Je vais passer tout ça, simplement pour dire que c'est pas étonnant de voir du lait au 19e siècle en Normandie, puisque c'est aussi l'élevage et la mise en herbe qui commencent. Donc, voilà, mais les exemples que j'ai pour les périodes antérieures nous parlent essentiellement de bouillie à l'eau. Alors, les Normands aussi apparemment ont une grande réputation autour de la bouillie. De nombreux exemples que j'avais écrits, mais je ne vais pas vous citer maintenant. On les surnomme souvent les Normands bouilleux. Simplement, On connaît aussi la ville de Ville-Dieu-les-Poêles, qui est connue pour ses poêles et ses bassines à bouillie. Donc, autre exemple de la bouillie. Les folkloristes en parlent beaucoup. Un docteur nutritionniste avait fait une thèse et a fait un article dans un colloque en 87 à Nancy sur la persistance, celle-là c'est une étude qualitative dans les écoles en 87, sur la persistance de la bouillie en Normandie. Donc on voit bien dans ces régions-là qu'il y a beaucoup plus effectivement de gens qui mangent de bouillie. Donc là c'est autour de 63% par rapport à la population par canton interrogée. Alors, j'avais tout plein de choses sur la bouillie, mais il me reste 5 minutes, entre breton et normand, dont je ne vous parlerai pas. Comment on l'a fait? Eh bien, je pense qu'après tout le monde sait exactement, on la met dans une marmite, on met la farine, on mélange avec un bâton, j'aurais pu vous parler des différents noms et ainsi de suite. La différence entre Normandie et Bretagne, il semblerait qu'en Bretagne, on mange beaucoup plus de bouillie d'avoine que de celle de sarrasin, alors à vérifier, mais même si on en mange. Alors, le domaine culturel et touristique. Je vais essayer de faire vite. Donc, il y a un an, M. Kelly, ici présent, avait fait un article sur l'identité gourmande de la Bretagne, 16e, 19e siècle. Pour résumer, il nous expliquait que l'absence de gastronomie régionale en Bretagne venait du fait que... Il mettait en évidence l'absence de gastronomie régionale en Bretagne, expliquait que s'il y avait encore des galettes, énormément de galettes et de bouillies, c'était simplement parce que ça avait perduré dans cette région, alors qu'ailleurs, il y avait eu une nouvelle gastronomie régionale. Donc, j'ai beaucoup aimé cet article, je me suis intéressé à cet article pour la Normandie, je me suis posé la même question, et savoir pourquoi une tradition commune part d'un côté et reste de l'autre. Donc, première question, est-ce qu'on faisait plus de sarrasin en Bretagne et en Normandie? Oui. Concrètement, j'ai des chiffres, j'ai des choses, je n'ai pas le temps, mais oui, même si ces départements sont de grands producteurs, c'est quand même en Bretagne. Là, je vous montre tout ça sont des statistiques qui viennent des statistiques agricoles du ministère de l'Agriculture. On est ici à 100 000 hectares, hein, alors qu'au mieux dans la Manche, on est à 70 000 hectares. Je ne vous parle pas des évolutions, mais... 19e siècle, ça ne descend pas tant que ça, en fait. Hein. Bon, il y a d'autres, il y a des crises, il y a les prix, il y a l'émergence de blé venu de l'étranger, je ne rentre pas là-dedans. Simplement, ce qui est intéressant pour le 20e siècle, c'est de voir qu'on descend très vite en dessous de 100 000 hectares dès les années 1925, sauf pour la Manche, où il faut attendre 40, alors qu'en Bretagne, il faut attendre les années 40, voire 55. Voilà. Comment expliquer ça? Alors, pour la Normandie, proximité de Paris, aussi bien pour les marchés que les élites parisiennes. J'aurais pu vous parler des peintres Millet, Courbet, Monet, de Flaubert, du repas, des noces de Madame de Bovary. Et donc, de toute la culture que va apporter ces élites parisiennes qui viennent en Normandie avant même le XXe siècle et le tourisme balnéaire. Le tourisme balnéaire va augmenter tout ça. J'aurais pu vous parler en détail effectivement de la mise en herbe et de son évolution et donc montrer qu'on a un retournement de situation dans les systèmes culturels. Alors, pour voir l'évolution des deux côtés, simplement, deux exemples avant de passer à ma conclusion. En 1866, alors même trois, premièrement j'ai repris les sources de M. Kellier, et j'ai regardé si on trouvait la même chose pour la Normandie. Effectivement, la Normandie avant le 19e siècle n'est pas non plus une région où on parle vraiment en termes de gastronomie. Par contre, on voit un changement dans la deuxième moitié du 19e siècle. Le double almanach gourmand, dans un article où l'auteur se plaint d'une cuisine moderne, avant c'était mieux, hein, c'est toujours le même discours, il nous dit on ne voit plus les maisons vouées à la cuisine flamande, à la cuisine normande, ce qu'elle existe bien. Lyonnaise, toulousaine, bordelaise, ainsi de suite. Autre exemple, vous connaissez tous, je pense, la France gastronomique. Et il y avait en 1921 deux opus, Bretagne et Normandie. Que dit-on pour la Bretagne? Très rapidement, c'est un pays. Alors, il commence par se poser la question: est-ce que c'est un pays gastronomique? La réponse est clairement non. Un pays où on ne vit pas. C'est pas un pays où on vit pour bien manger, où on fait bonne chère. C'est la loi du moindre effort qui régit le plus souvent la cuisine bretonne. Les clientèles les plus raffinées n'y trouvent pas leur compte. Désolé. Que dit-on pour la Normandie? Eh bien, c'est pas très élogieux, mais c'est un petit peu mieux. On nous dit les gourmets sévères trouveront peut-être, voici leur carte, trouveront peut-être que la cuisine normande brille plus par la quantité que par la qualité. D'autres exemples, je vais passer, mais simplement, il y a quand même en Normandie, même si elle ne brille pas par la qualité, une cuisine normande, alors qu'apparemment, pour eux, il n'y en a pas réellement pour la Bretagne. Ma conclusion, je peux... Oui, oui. D'accord. Je vais vous la lire, elle permettra de voir un petit peu tout ce que j'avais à vous dire. Alors, pour la Normandie, le sarrasin a joué un rôle important en Basse-Normandie, mais certainement moins qu'en Bretagne, parce qu'il était cultivé dans la partie ouest de la région, par ici. La Normandie a amorcé un changement culturel plus tôt et plus important que la Bretagne, au détriment du sarrasin. Nul doute que la proximité de la capitale en termes de marché et de tourisme a joué un rôle important dans cette transformation. Le sarrasin, identifié comme un aliment de subsistance populaire, ancestral et archaïque, ne rentrait pas dans les critères des classes supérieures qui recherchaient des mets plus raffinés et plus modernes. D'autant plus que la partie de la Basse-Normandie qui attirait les élites n'était pas celle où le sarrasin était présent. Au final, la construction de l'identité culinaire de la Normandie est plus une réponse à une demande particulière que le reflet d'une réalité pluriséculaire, je devrais dire d'une réalité de terrain. Parce que même si elle n'existe plus dans l'identité, aujourd'hui, pour les gens de terrain, oui, ils mangent encore de la bouillie, leur grand-mère, quand ils étaient enfants, et ainsi de suite. Bon. Pour la Bretagne. Alors aujourd'hui, la galette de sarrasin bretonne et bretonne à n'en pas douter. Les Normands, que je côtoie tous les jours, parce que je suis lorrain, vous diraient que l'hégémonie de l'impérialisme culinaire breton domine le monde avec sa galette de sarrasin comme l'Italie avec la pizza ou les États-Unis avec le McDonald's. Plus sérieusement, la Bretagne a fait d'une faiblesse une force. Les peuples sont parfois identifiés péjorativement par leurs pratiques alimentaires. Mangeurs de grenouilles pour les Français, roast-beef pour les Anglais, mangeurs de galettes de sarrasin pour les Bretons. Ainsi, le regard de l'étranger renvoie une image identitaire aux autochtones qui parfois l'assimilent et même l'utilisent à leur profit. La Bretagne a su transformer un symbole d'archaïsme, de subsistance, de pauvreté et de mauvais goût en fer de lance d'un patrimoine culinaire régional. Au départ, le sarrasin n'était pas une spécialité uniquement bretonne, puisque consommé dans d'autres régions. Néanmoins, la Bretagne avait un rapport particulier à la culture du sarrasin et à sa consommation. D'ailleurs, on pourrait croire que les crêperies d'aujourd'hui n'est qu'une construction marketing du siècle dernier vouée à dynamiser une économie touristique, mais il n'en est rien. En cherchant un petit peu dans les inventaires après décès du XVIIIe siècle, on trouve déjà mention de galetterie, qui est l'ancêtre des crêperies actuelles. Face à la modernité grandissante, à la mondialisation, aux pertes de repères identitaires, la Bretagne a renforcé son identité culturelle régionale. Ça passe par sa langue, sa musique, mais aussi la construction d'une identité culinaire basée sur le souvenir et la nostalgie d'un plat dont elle était la seule à consommer en aussi grande quantité, tout de même, et qui renvoie à une histoire culinaire de terrain, du peuple, des gens qui l'a mangé, pluriséculaire. Voilà. Je vais m'arrêter là. Merci pour ce premier rapport tout à fait intéressant, parce que de fait, la Normandie est généralement oubliée comme terre de sarrasin, et c'était...